Ndiko Manyanga. Innocent Abibonimane est à la mise en onde. Et bienvenue, chers auditrices et auditeurs de la radio Sangamiro, à cette édition dont voici d'abord le sommaire. Le Burundi a franchi un pas important dans la mise en œuvre des engagements internationaux, la protection des droits de l'homme, même si les défis ne manquent pas à la matière. Le vice-président de la CNDH l'a dit ce mardi dans une déclaration de la CNDH à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. Le politicien Agathon Rwasa et le président du parti APDR demandent au gouvernement burundais de tout d'abord assainir le climat des affaires pour que les fonds promis ne soient pas retirés comme dans l'OTAN. Ils le disent après la tenue d'une table ronde des amis du Burundi du 5 au 6 du mois en cours. Le Burundi devrait privilégier l'exonération des activités qui pourraient générer pour le pays, même en devise, et éviter d'exonérer des immobiliers qui restent passifs. Analyse d'un expert en gestion des politiques économiques, Serge Nilamebura. Vous l'entendrez dans ce journal. Bienvenue. Ouvrons ce journal par la page économie. L'homme politique Agathon Rwasa apprécie positivement le fait que le gouvernement burundais ait organisé une table ronde des investisseurs la semaine dernière. Au moment où, à la clôture de cette table, il y a des investisseurs qui ont promis des fonds, Agathon Rwasa demande au gouvernement burundais de tout d'abord assainir le climat des affaires pour que ces fonds promis ne soient pas retirés comme dans le temps. Le politicien Agathon Rwasa. Je dirais que c'est une énième table ronde parce qu'on en a connu. Au sortir des négociations d'Arusha, on en a connu. Il y avait tellement de fonds destinés au Burundi, mais notre comportement en termes de gestion de ces fonds fait que certains se rétractent. Parfois même, certains financements n'ont pas été débloqués. Mais aussi, je pense qu'il y a quand même des efforts que nous devons faire, notamment en améliorant l'environnement sécuritaire, tout autant que la situation juridique en matière de protection des capitaux des gens. Sans cela, ça sera toujours difficile. Mais aussi, il est plus qu'urgent que la lutte contre les marvelisations économiques et la mauvaise gestion, les détournements, la corruption, ne reste pas au niveau du verbe, mais que ce soit des actes concrets qui peuvent alors rassurer les uns et les autres pour qu'ils puissent investir. Mais aussi, il faut démontrer une capacité de gérer ce que l'on a à gérer. Imaginez-vous la Banque mondiale qui donne des centaines de millions de dollars et qu'au bout de l'exercice, on n'a même pas utilisé 20%. Ça démontre quoi? Il y a une incompétence notoire. Donc, il faut alors placer les gens qu'il faut et non pas continuer à recruter sur fond de partisanerie, parce que ça dessert énormément notre pays. Ça aussi, ça pourra aider quand même à ce que la table ronde génère des résultats palpables. Parce que même s'il y a eu des promesses, il faut attendre la concrétisation. Et c'est aux gestionnaires de stimuler cette concrétisation des promesses faites, des engagements faits. Le président du parti APDR, Gabriel Ibanza Witonde, estime aussi qu'il y a des préalables qu'il faut mettre en place en matière des infrastructures, que ce soit pour ce qui est de l'électricité et des infrastructures routières, on l'écoute. Le Burundi vient d'organiser une table ronde à l'endroit des investisseurs étrangers et voilà dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Dans l'ensemble, pour le parti APD, nous réjouissons de ce pas avancé via le bureau d'études stratégiques pour le développement au niveau de la présidence de penser à cette idée. Vous savez que le Burundi est en train de traverser dans une crise économique généralisée où tout le produit de première nécessité, il y a une grande inflation, mais aussi il y a manque de quelques produits. C'est triste réalité. Vous savez même qu'à travers la présidence, on a révélé que plus de 60% de la population se trouve dans une pauvreté extrême. Dans l'ensemble, la table ronde est une des solutions de la politique macroéconomique pour en sortir de cette crise. Mais pour partir à PDR, nous disons que ce n'est pas la première fois d'organiser une table ronde. Vous savez qu'en 2012, une table ronde a été organisée à Genève et beaucoup de promesses ont été promises. Mais combien qui honorées? C'est pour dire que des promesses sola, mais libération de ces capitales, c'est une autre chose. Pour que les investisseurs investissent dans un pays, il y a les indices. C'est ça ce que nous voulons souligner, que les indices devraient être mis sur place. Premièrement, c'est la bonne gouvernance caractérisée par le développement. On a besoin des routes, de l'électricité, de l'eau, de l'internet, sans oublier aussi le climat politique assaini. Nous sommes proches des élections, le gouvernement devrait tirer attention pour que le climat assaini dont nous vivons aujourd'hui politique devrait rester, afin que ces investisseurs libèrent les capitaux. Dans la même page économie, le Burundi devrait privilégier l'exonération des activités qui pourraient générer pour le pays, et même en devise, et éviter d'exonérer des immobiliers qui restent passifs. Analyse d'un expert en gestion des politiques économiques sur base des annonces récemment faites par le ministre des Finances que les fonds collectés par l'Office burundais de recettes OBR ont connu un déficit de plus de 110 milliards au cours de 4 derniers mois. Serge Niramebura déplore que le secteur immobilier reste privilégié alors qu'il n'est presque pas imposé. Cet expert trouve qu'un audit est nécessaire pour analyser les défis qu'a connu l'OBR. Un déficit de 110 milliards, est-ce normal? Est-ce que c'est la corruption? Est-ce que c'est l'évasion fiscale? Tout est possible. Il était prévu un budget de plus de 4 milliards pour toute l'année, c'est-à-dire qu'on devrait collecter à peu près 1 500 milliards dans chaque trimestre. Donc, un déficit de 110 milliards, c'est à peu près 10%. Donc, se tromper dans les prévisions d'un écart de 10%, ça peut être normal. Parce que la conjoncture économique est de dépréciation de la monnaie locale, c'est-à-dire que les commerçants qui importent subissent une perte liée à la dépréciation de la monnaie. Donc l'activité économique n'est pas aussi intense qu'on l'avait prévu. Ça, c'est une possibilité, mais il faut vraiment rentrer dedans et savoir qu'est-ce qui s'est passé. Comment alors peut-on élargir l'assiette fiscale? Il faut absolument revoir comment la gestion des exonérations fonctionne, parce que normalement, on devrait exonérer les gens qui font la promotion des exportations ou qui fabriquent des biens dont on importe, dont la substitution des importations. Seulement les machines qui sont destinées à la fabrication devraient bénéficier d'une exonération. Mais la pratique courante est qu'on exonère les gens qui construisent les maisons dans le secteur immobilier. Vous savez, ailleurs, même pour les gens qui construisent les hôtels, ce revenu est catégorisé dans ce qu'on appelle le revenu passif. Pourquoi? Parce que même un étage de 30 niveaux, vous allez utiliser deux personnes à la réception et un sentinelle. C'est passif parce que ça augmente le chômage. C'est un secteur qui n'emploie pas les gens. Donc, c'est un secteur qui ne devrait pas bénéficier des exonérations. Deuxièmement, dans une conjoncture économique où il y a dépréciation, les gens, au lieu de faire les exportations ou la substitution des importations, ils vont plutôt investir dans l'immobilier pour se mettre à l'abri de la dépréciation. Alors qu'il fallait décourager l'investissement dans l'immobilier parce que ce n'est pas, vous ne pouvez pas exporter une maison ailleurs pour avoir des devises. Ce qui est courant chez nous, c'est que les gens qui investissent dans l'immobilier sont protégés et ce revenu passif n'est même pas considéré comme un secteur économique qui devrait être imposé. Donc, les gens qui ont construit des maisons ne déclarent jamais pour dire combien ils ont gagné. Donc, s'il faut élargir l'assiette fiscale, il faut absolument se tourner vers ce secteur. Vous n'avez pas Isangani l'eau ? Vous ratez l'essentiel. Page droits de l'homme à présent. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, considère que le Burundi a franchi un pas important dans la mise en œuvre des engagements internationaux à la protection des droits de l'homme. Le vice-président de la CNDH l'a dit ce mardi dans une déclaration de la CNDH à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. Cependant, professeur Anaclé Nzohabonayo a indiqué que tout n'est pas rose, comme les délais à garde à vue et le principe de présomption d'innocence qui ne sont pas toujours respectés. Suivez-le, ces propos recueillis par Ornella Mucho. La CNDH, de par son rôle consultatif, encourage le président de la République, le parquet général et le ministère de la Justice à continuer à réduire la population carcérale en faveur du développement socio-économique du pays. La CNDH estime que le gouvernement du Burundi devrait mettre en place des textes encadrant la généralisation des travaux d'intérêt général comme mesure alternative à la peine privative de liberté pour les infractions mineures. La CNDH exhorte les membres de la chaîne pénale à tous les échelons de prendre en compte des textes nationaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme dans le processus d'instruction et de prise des décisions judiciaires. Elle les encourage à respecter les délais de garde à vue et le respect du principe de présomption d'innocence. La CNDH déplore la persistance de certains défis liés notamment aux cas isolés de justice populaire, à la détérioration continue du pouvoir d'achat des ménages ainsi que la flambée des prix des produits de première nécessité. La CNDH recommande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour continuer à réduire la population carcérale. Concrétiser par des textes juridiques l'accès à la terre des populations batois. Accroître continuellement le budget du ministère de l'Éducation en vue d'améliorer la qualité de l'éducation de la jeunesse burundaise. Prendre des dispositions nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations acceptées lors de sa dernière évaluation dans le cadre de l'examen périodique universel. Renforcer sa collaboration avec les autres mécanismes de droit. Dans cette même page, droits de l'homme, prévenir les violences sexuelles basées sur le genre et la prise en charge holistique des victimes de ces violences sont certains des contenus du plan stratégique national de lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre allant de 2024 à 2030. Lors de la présentation officielle de ce plan ce lundi, Poncien Hatungimana, secrétaire permanent au ministère de la Solidarité nationale, a demandé aux responsables des églises de contribuer à la sensibilisation de lutte contre ces violences basées sur le genre. Suivez-le au micro de Jean-Marie Vianney Ngendakoumane. Dans son document de plan stratégique de lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre, que nous avons lancé, et c'est un document qui va s'étendre de la période de 2024 à 2030 avec au moins quelques axes que je dirais principaux. Au premier temps, on va s'efforcer à prévenir les violences sexuelles basées sur le genre. En deuxième lieu, on va mettre les efforts dans la prise en charge holistique des victimes des violences sexuelles basées sur le genre. Mais aussi, c'est très important aussi, de penser à la coordination. Et quel est le genre de violences que vous enregistrez plus souvent au sein du ministère? Au niveau du ministère, les violences que nous enregistrons souvent, que nous observons souvent, il y a les violences sexuelles, il y a les violences psychologiques, mais aussi il y a les violences économiques, il y a aussi les violences que je dirais physiques et les violences psychologiques. Ce sont ces cas-là que nous observons souvent au niveau du ministère ou bien à travers nos services provinciaux qui sont toujours aux côtés des victimes de ce type de violences sexuelles basées sur le genre. À ce qui concerne les pressions des présumés auteurs, quel est l'état de lieu? Nous, au niveau du ministère, je dirais que nous sommes satisfaits de la mise en application de la loi parce qu'il y a une loi sur la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. Des cas de viol sont punis conformément à la loi, mais à certains moments, on ne peut pas dire que tous les cas sont punis. Mais à certains moments, ce que nous observons, ce sont des cas des arrangements à l'amiable qui s'opèrent au niveau des collines. En fait. Et quel est le rôle des églises et des médias? Pour les églises et les médias, je dirais que ce sont des acteurs importants qui doivent nous aider à sensibiliser la population pour que la population, d'une manière générale, contribue efficacement dans la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. Cap sur Kirundo, où certaines femmes de la colline Nyagisodi de la province Kirundo disent qu'elles n'ont pas de parole dans la gestion des biens familiaux. Elles signalent que tous les biens sont gérés par leurs époux et de l'argent que ces femmes possèdent sont également gérés par leurs maris. Ces femmes demandent d'être soutenues pour avoir la parole dans la gestion des biens. Au sein de l'administration, Richard Ngabondi, administrateur de la commune Boussoni, précise que des réunions de sensibilisation sont organisées pour montrer que les biens familiaux sont gérés par les deux conjoints. Les détails avec Jean-Marie Mayonga qui s'est rendu sur les lieux. Nous sommes sur la colline Nyagisozi de la commune Busoni, province de Kirundo, où certaines femmes disent qu'elles n'ont rien à dire dans la gestion des biens familiaux. Elles expliquent que seuls les hommes ont une décision. Je n'ai pas de parole dans mon foyer car on ne s'entend pas avec mon époux. Il a une autre femme et fait tout ce qu'il veut avec la deuxième femme. Il vient tout simplement pour violer mes droits. La cause de cette menace est le refus de vendre notre parcelle. Et quand j'ai un bétail, il le prend et le vend sans mon approbation. Aucune femme n'a une parole à propos de la gestion des biens familiaux. Toute la gestion est faite par les hommes. La femme n'a rien à gérer dans le foyer. Même si la situation se présente ainsi, cet homme, de son côté, précise qu'il échange avec son épouse pour la bonne gestion des biens dans la famille. Nous collaborons avec ma femme dans la gestion de nos biens et chacun le fait à bon cœur. On partage tout ce qu'on a eu et quand il s'agit d'une perte ou gain, ça nous concerne, nous deux. La conséquence de ces violences, selon ces femmes, est que la richesse du foyer se disperse et les enfants deviennent des enfants délinquants. Crescence Abonimana, vice-président du Forum des femmes sur la colline Nyagisozi, affirme bien certaines femmes n'ont pas la décision s'agissant de la gestion des biens familiaux. Gawonziza Richard, administrateur de la commune Busoni, indique qu'il prodigue des conseils aux hommes qui maltraitent leurs épouses afin que leurs biens soient bien gérés dans leur foyer. Eric Ndoyezo, chef de cabinet du gouverneur, précise que pour lutter contre ces violences, des sanctions sévères sont prises à l'intention des hommes fautifs. Et la province de Kirundo n'est pas épargnée quand on parle des violences faites aux femmes et jeunes filles. Les femmes et l'idée, Forum Femmes et l'administration provinciale se sont levées et ont sensibilisé, même puni les contrevenants et les commanditaires. Et pour le moment, nous voyons que l'effectif des violences a réduit et on enregistre dans une année deux ou une violence, ce qui montre que les violences ont sensiblement, significativement diminué. On a toujours sensibilisé envers les hommes que sans femme et l'homme n'est rien. Il faut aussi comprendre cette étroite collaboration entre époux et épouse pour qu'il y ait une progression économique dans les ménages. Les données statistiques de l'année 2023 montrent que 6 femmes de la commune Nega et 4 femmes de la commune Busoni ont été assassinées par leurs époux suite à la mésentente dans la gestion des biens familiaux. Bouclons cette édition par la page sécurité. Recrudescence du banditisme ces jours-ci en Ngozi, où 5 cas ont été signalés ce week-end dans différents quartiers du chef-lieu de cette province. La police dit en être au courant. Bonfort Ndorilaho, commissaire provincial de la police, parle des réunions de sécurité en cours, mais invite la participation de la population pour sauvegarder cette sécurité de l'État avec Apollinaire Muzagara. Les habitants des quartiers comme Muremera, Gisagara, Rubuye, Kinyami et autres parle de la recrudescence des cas de vol dans les ménages durant ces deux dernières semaines. Il donne l'exemple de ce week-end où 4 ménages ont été saccagés. En plus de ce banditisme dans les ménages, la population urbaine d'Ngozi évoque aussi des bandits qui arrachent des mains des passants des sacs à main, téléphones portables, argent et autres. Des cas de vol dans les champs sont couramment signalés dans les collines proches de la ville d'Ngozi, principalement pour les régimes de bananes et pommes de terre. Cette population soupçonne les détenus récemment graciés qui ne sont pas rentrés mais qui sont restés en ville d'Ngozi et bon nombre d'entre eux ont été déjà réarrêtés d'après la police. Le commissaire provincial de la police Bonfort Ndorilaho annonce que des réunions de renforcement de la sécurité sont en cours. Il souhaite néanmoins la participation de la population à la sauvegarde de cette sécurité, indiquant que cette dernière est l'affaire de tous. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Sanganil. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Innocent Bibonimana pour sa parfaite collaboration technique à la présentation. Vous étiez avec Evariste Ndiko Wanyanga. Bonne suite des programmes sur Sanganito.